dans ces choses, dans ce truc, j'suis refait. Dépense sans compter depuis que j'ai ma peine. Hier tu m'ignorais, aujourd'hui tu m'appelles. Et s'il fait moche, allons ailleurs, ma belle. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Blanc sur mes rues, il me faut du soleil. Okay. À force de rêver de vacances, je perds le sommeil. Okay. C'est ma vie qui a changé, c'est pas moi. C'est pas okay. Moi, non. C'est ma vie qui a changé, c'est pas moi. C'est pas okay. Moi, non. J'ai ma mère qui si tout va bien, tout okay. Va bien. Fais tes valises, on va prendre l'air. Okay. Être perdant, non merci, je passe la main. Passe okay. La main. De toute façon, ma chérie, j'en ai pas l'air. J'suis dans ces choses, dans ce truc, j'suis refait. Dépense sans compter depuis que j'ai ma paix. Hier, tu m'ignorais, aujourd'hui, tu m'appelles. Et s'il fait moche, allons ailleurs, ma belle. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Qu'on mette les voiles, à quelle heure est notre vol? À quelle heure est notre vol? Sur mode avion et mon phone. Avion et mon phone. J'ai pas pris de valise, j'achèterai tout là-bas. Okay. Joss a déjà géré la location de la part. De la okay. Part, le soleil brille petit, polo Lacoste, polo Lacoste. La belle vie posée sur la côte, okay. Sur la côte, ouais, sur la côte. Pas besoin d'huile bronzante sur ma peau. Okay. Non, on prend la pause pour le selfie sur le capot de la gauche. J'suis dans ces choses, dans ce truc, j'suis refait. J'suis refait. Dépense sans compter depuis que j'ai ma peine. Okay. Hier tu m'ignorais, aujourd'hui tu m'appelles. Et s'il fait moche, allons ailleurs, ma belle. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ces choses dans ce truc, j'suis refait. Dépense sans compter depuis que j'ai ma peine. Hier tu m'ignorais, aujourd'hui tu m'appelles. Tu m'appelles. Et s'il fait moche, allons.